bonsoir, selon l'endroit où vous vous situez. Le plaisir est pour nous de vous retrouver pour un nouveau numéro de Forum Jeunes, qui est une émission qui donne la parole aux jeunes pour parler des sujets qui les passionnent. Tous les 26 juillet de chaque année, le monde célèbre la journée dédiée à la jeunesse. Cette journée est née sur initiative du pape Jean-Paul II. C'est une occasion pour les jeunes de se rassembler afin de réfléchir sur un monde meilleur. Pour cet événement, les jeunes se considéraient comme des acteurs du changement, ce qui permet de comprendre qu'ils sont remplis de potentialités pouvant permettre ce changement. Ici au Burundi, il y a quelques jeunes qui commencent à se démarquer, que ce soit dans la création d'associations ou de petites entreprises. D'autres travaillent à leur propre compte en offrant leurs services aux demandeurs. Dans le numéro de Forum Jeunes d'aujourd'hui, nous aimerions savoir, est-ce que les potentialités des jeunes burundais sont exploitées à leur juste valeur? Et quelles sont les contraintes que connaissent ces jeunes? Qu'est-ce qui devrait être fait pour lever ces contraintes? Pour trouver des réponses à tous ces questionnements, nous sommes dans nos studios avec Gildas Kwizera, président et représentant légal de l'association Initiative pour la promotion et le développement économique. Bienvenue à cette émission, Gildas. Merci beaucoup. Nous sommes également avec Égide Nikiza, qui a fait la sociologie. Bienvenue à vous aussi, Égide. Merci de l'invitation. La mise en onde est assurée par François Kimana et l'animation de cette émission, c'est Ali Dandaïkeza. Nous vous disons bienvenue encore. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Pour commencer avec cette émission, une première question à l'endroit de Gildas Kwizera. Comment peut-on voir que les jeunes sont en train de faire des changements dans n'importe quel domaine? Bon, merci pour la parole. Mm-hmm. Premièrement, je voudrais juste dire que les jeunes sont là et nous avons, si nous regardons la population active au niveau du Burundi, nous avons plus de 60% de la population des jeunes qui sont jeunes. Mm-hmm. Et parmi ces jeunes-là, ils ont... certains ont parvenu à créer des associations sans but lucratif, d'autres ont créé des sociétés anonymes et qui évoluent dans plusieurs activités ou domaines. Mmh. Certains sont comme des consultants, certains d'autres sont comme des commerçants, d'autres qui président des associations à but lucratif et qui prestent ou bien qui donnent des prestations dans différents domaines, protection de l'environnement, création des activités génératrices de revenus et un peu partout dans toutes les communes du Burundi. Donc certains jeunes sont éveillés, ils sont là, ils travaillent et ils veulent juste donner leur possible, juste pour faire des changements au niveau de la société et voir si peut-être ils pourront effectivement au plus tard contribuer à la contribution, contribuer au développement du pays. Et vous dites qu'ils sont là, ils sont sur terrain, il y a ceux qui créent des entreprises, il y a ceux qui sont des consultants, il y a ceux qui sont des commerçants. Est-ce que quand ils sont en train de faire cela, il n'y a pas la nécessité d'avoir un niveau d'études vraiment élevé? Oui, bon, certains domaines requièrent des études un peu évoluées, des diplômes universitaires, même post-universitaires, mais il y en a qui sont, je pourrais vous donner un exemple, des dessinateurs ou bien des gens qui bricolent au niveau, je vous donnerai même des exemples au niveau de Bouyenzi, il y a des mécaniciens qui sont là, qui sont jeunes et qui donnent pas mal de services. Et effectivement, certains domaines requièrent des formations universitaires. Il y en a d'autres, peut-être, qui ne demandent pas beaucoup de formations universitaires. Alors, il est vrai, pour les domaines qui demandent beaucoup de formations universitaires, nous avons des jeunes qui ont évolué dans plusieurs domaines. Il y a des jeunes qui ont fait les études de droit, de médecine, d'économie, et ils ont des diplômes. Ils sont qualifiés pour prester ou pour... Travailler dans les domaines qui correspondent directement à ces diplômes. Oui, absolument. Et j'ose espérer que certains d'entre eux, ils sont en train de donner leur maximum juste pour changer les choses au niveau du Burundi. Donc, à travers votre réflexion, on comprend bien qu'à part une formation d'études qui est là, il y a ceux qui se forment eux-mêmes et qui vont commencer à travailler sur terrain. Égide, est-ce que vous partagez la même vision que Gildas, parce qu'il a déjà indiqué que les jeunes sont là, ils ont commencé à travailler et ils font de leur mieux pour se distinguer des autres? Et tout à fait, j'abonde dans le même sens que mon ami Gildas. Personnellement, je vois que des jeunes sont en train d'opérer des changements dans la société. Certes, pas toutes, pas tous, mais certains essaient de faire des activités montrant qu'ils ont changé des mentalités. À titre d'illustration, ils essaient de créer de petites entreprises, quand bien même ils sont à manque de capitaux. Ils essaient de voler de leurs propres ailes d'un côté, mais de l'autre, ils essaient de se constituer dans des organisations, des associations à travers lesquelles ils échangent des idées, ils échangent des expériences. Cela, pour moi, constitue un indicateur que les jeunes ont compris qu'ils doivent peser de leur poids. Ils constituent la majorité de la population. C'est à travers de telles initiatives qu'ils peuvent devenir ou être des agents de changement. Donc, en tant que quelqu'un qui a fait la sociologie, comment tu peux analyser le changement que ces jeunes ont commencé à faire? Est-ce que c'est dû vraiment à quoi? Donc, voir un jeune qui commence à mettre en place une petite entreprise, parce que c'est quelque chose et c'est pas rien, c'est vraiment dû à quoi? Ce changement qui est en train de s'opérer à travers la jeunesse est dû, comme tu viens de le dire, à différents facteurs. En premier lieu, c'est dû à la situation à laquelle ces jeunes font face. Il y a manque de travail. Les jeunes terminent leurs études et ils ne parviennent pas à décrocher du travail facilement. Ils ont compris pour ce faire qu'ils doivent voler de leurs propres ailes, car il est de notoriété publique que l'État Providence est révolue. L'État ne peut pas donner du travail à tout le monde. Donc, certains qui en ont les moyens essaient de faire ça, surtout de se constituer dans des organisations, de créer de petites entreprises, d'échanger des idées, s'il le faut, de bénéficier de la confiance de la part de certaines personnes. On leur donne des services et petit à petit, ils essaient de vivre cela. Je suis en train de dire des facteurs qui peuvent expliquer ce changement qui s'opère. En premier lieu, il y a ce chômage, mais également, vous savez que lorsqu'on travaille pour quelqu'un d'autre, il est difficile de prospérer. Certains ont compris ce secret. Pour pouvoir s'enrichir, il faut être patron de soi-même. Ceux qui le peuvent, je pense qu'ils n'ont pas la peur de pouvoir se lancer des activités. Ils prennent le risque, quand bien même c'est difficile. Égide vient de le dire que certains jeunes se mettent à leur propre compte par... des fois, ils sont poussés par la pauvreté. On comprend bien que c'est quelque chose de nouveau, mais changer de mode de vie, changer de méthode de travail, est-ce que cela ne connaît pas des fois des contraintes pour ce qui est de la concrétisation d'une idée que ces jeunes ont déjà en voulant changer l'habitude? Oui, absolument, parce que les contraintes sont là, parce qu'on a évolué dans un pays où tout le monde, quand il terminait les études, il pensait à travailler pour le gouvernement, pour l'État. Alors ça, c'est une contrainte. Mais actuellement, avec comme mon ami Égide vient de le dire, le gouvernement ne peut pas tout engager, ne peut pas tout donner, donc donner le travail à tout ce monde-là qui termine les études. Alors je crois qu'il doit y avoir une sensibilisation au niveau, faite par le gouvernement, même faite par nous-mêmes, les jeunes. Sensibilisons les autres jeunes comme nous. Nous leur donnons des exemples. Des gens qui sont parvenus à créer des entreprises, créer des associations sans but lucratif, qui sont fonctionnelles au niveau du Burundi. Ils doivent sensibiliser. Et je crois que même ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est une bonne chose parce qu'on sensibilise. On donne notre point de vue des gens qui ont créé, des gens ont des témoignages. Et pour leur dire que tout est possible, il faut juste qu'il y ait un changement de mentalité, que les gens prennent conscience. S'ils veulent travailler et évoluer, nous devons avoir des exemples pour d'autres pays, comme les pays européens ou bien les pays africains qui ont évolué. La jeunesse a pris en main leur avenir. Ils ont créé, ils ont surpassé les mentalités qui étaient passé, et puis ils ont juste abordé la vie et prendre le contexte actuel de la vie. Je rappelle que vous êtes président et représentant légal de l'association Initiative pour la promotion et le développement économique. Est-ce que ça vous est vraiment facile de décrocher des partenariats avec des bailleurs potentiels ? Parce que vous êtes jeune, et on le sait que dans votre association, il n'y a que ceux qui ont moins de 35 ans. Est-ce que c'est facile d'entrer en contact avec un bailleur potentiel ? Bon, normalement, ce n'est pas facile, mais on doit se battre. On est là, on est parvenu à créer l'association dans des moments difficiles. C'était au cours de l'année 2015, mais on avait l'idée, on avait cette vision-là, et puis on a créé ça. Il est vrai, c'est un peu difficile, mais on doit se battre. Il faut se battre tous les jours et ne pas se fatiguer, ne pas relâcher. Et quand on a une vision, on doit se battre pour la vie jusqu'à ce qu'on atteigne. On atteint la vision. Là, c'est pas facile de décrocher des partenariats. Mais est-ce que cela est difficile parce que vous êtes jeune ou c'est parce que c'est l'environnement qui ne le favorise pas ? Bon, je crois que... Ou ce sont les deux ? Les deux. Les deux, parce que les bailleurs, ils ont peur de faire confiance à des jeunes. Qui n'ont pas d'expérience, surtout. D'expérience. Et l'environnement aussi, économique, politique du Burundi aussi, ne va pas à notre faveur. Mais il ne faut jamais baisser les bras, il faut juste continuer à se battre. Peut-être un jour, on finira par prouver que ce que les gens pensent n'est pas du tout correct. Gildas, il est d'une association. Il dit que ce n'est pas facile de décrocher des partenariats avec des bailleurs potentiels sur deux causes. L'âge des membres de son association et également l'environnement. Vous qui avez fait la sociologie, comment vous pouvez analyser cette réticence des bailleurs potentiels ? Certes, il a raison. Vous savez qu'il y a un adage qui dit que c'est que le vieux peut voir étant assis, un jeune ne peut pas le voir étant debout. Il manque l'expérience généralement à la jeunesse, quand bien même il y a certains qui peuvent, à raison des activités qu'il aurait exercées par le passé, avoir cette expérience si prisée, si recherchée. Mais en général, les jeunes manquent de l'expérience. Et cela constitue un handicap dans l'exercice de leurs activités lorsqu'ils veulent concrétiser leurs objectifs. Ils se présentent devant tel autre bailleur. Il lui dit ses projets, mais il est difficile de se montrer convaincant, car il n'a pas l'expérience qui est très recherchée. Mais de l'autre côté, il y a également cet environnement sociopolitique, mais cela n'est pas propre au Burundi, même dans plusieurs pays de la sous-région. Dernièrement, j'étais au Congo, j'ai vu comment... À Bukavu, c'est tout près du Burundi. J'ai vu comment les jeunes se battent. Eux, ils sont, selon mon appréciation, un peu en avance par rapport à nous. Les jeunes participent dans différentes réunions. Ils quittent une réunion pour se retrouver dans une autre. Là, ils n'ont parlé que des activités entrepreneuriales. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se sortir de cette pauvreté ? Car chez eux, c'est un peu loin par rapport à nous. Il est difficile de décrocher un emploi. Nous, ici, c'est un peu léger par rapport à ce qui s'observe de l'autre côté. Est-ce qu'on peut dire que la réticence à l'endroit des jeunes, c'est propre à notre culture ou c'est les jeunes en général pour les bailleurs? Je crois que ce n'est pas propre à notre culture, car cet adage que j'ai dit tout à l'heure, si tu veux bien, n'est pas de nature burundaise. C'est un adage français. C'est quand un vieux peut voir étant assis, un jeune ne peut pas le voir étant debout. On peut trouver dans la tradition burundaise des proverbes, des adages pareils, ce qui fait que si la jeunesse n'a pas d'expérience, cela n'est pas propre au Burundi. Cette situation peut se retrouver ailleurs. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes en train de suivre l'émission Forum Jeunes. Une transition et on va revenir dans les studios. Girl, I don't know. Because now we get too many, many ideas. We get too plenty as we be. He like a loma. Anything a man do. Plenty, plenty eyes to see. He like a loma. Please don't leave me there. Don't leave me there. If you hold me tight, I could treat you right. Girl, Kali feni mambo ko sanga Panda na ko tanga Right now we na go run down Go jump bumpa to bumpa Kali feni mambo ko sanga Panda na ko tanga Right now we na go run down Go jump bumpa to bumpa Some of them need a package Forget about the marriage Maybe all about the money Money, it go vanish But not true love to the humble you No do gra-gra, good luck to the sample you Yeah. So you go tell you say girl I love you Vous êtes en train de suivre l'émission Forum Jeunes et aujourd'hui nous sommes en train de parler d'exploiter les potentialités qu'ont les jeunes pour faire le changement dans leur communauté. Et dans nos studios, nous sommes avec Gildas Kwizera, président et représentant légal de l'association Initiative pour la promotion et le développement économique. Nous sommes également avec Égide Nikiza qui a fait la sociologie. Dans la partie qui vient de s'écouler, vous aviez bien compris qu'il y a des contraintes que connaissent ces jeunes, que ce soit pour ne pas avoir de l'expérience ou des problèmes pour décrocher des partenariats pour soutenir leurs actions. Dans cette partie, on voudrait savoir qu'est-ce qui devrait être fait pour qu'il y ait un changement favorable aux jeunes pour le développement de notre cher pays. Gildas, qu'est-ce qui devrait être fait? Je crois que pour moi, le gros du travail devait être fait par les jeunes. Mm-hmm. Parce que nous devons effectivement prendre en main notre avenir, notre futur. Mm-hmm. Et les gens qui vont venir nous aider, ils vont venir nous aider parce qu'on a déjà fait quelques pas. Mm-hmm. Quelques pas. Mm-hmm. Alors, la jeunesse doit effectivement travailler dur et faire preuve qu'ils sont capables de montrer qu'ils sont capables de changer les choses, de mm-hmm. montrer qu'ils sont capables de créer des activités génératrices de revenus, créer des entreprises, créer des associations sans but lucratif juste pour aider. Et l'autre partie doit être faite par le gouvernement, parce que le gouvernement... En étant toujours sur ce qui devrait être fait par les jeunes, parce qu'on comprend bien que pour travailler avec eux, il faut avoir confiance en eux. Oui. Et on a bien compris que beaucoup de monde n'ont pas confiance à la jeunesse parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Comment on peut gagner cette confiance? Alors, je crois pour moi, c'est ce premier pas qui doit être fait par les jeunes. Mm-hmm. Parce que même quand tu veux décrocher un financement, quand tu veux décrocher un partenariat, mm-hmm. il faut tout au moins avoir une entité morale mm-hmm. qui est là, mm-hmm. avec des documents administratifs mm-hmm. requis par le gouvernement pour bien par les partenaires qui sont là, au mm-hmm. complet. Mm-hmm. Comme ça, même quand tu vas juste pour décrocher un financement ou un partenariat, il faut leur prouver que tu existes. On est là, on est des jeunes, 5 à 10, on a l'agrément, mm-hmm. on a les statuts, on a tout ce qui est demandé par mm-hmm. le partenaire. Je crois mm-hmm. que ça, c'est une étape assez importante mm-hmm. et qui doit être prise en considération que par les partenaires ou bien par les autres bailleurs. Mm-hmm. Je crois que quelqu'un qui a prouvé ça, il mérite au moins une confiance parce mm-hmm. que ça demande du temps, de l'argent, mm-hmm. des connaissances. Mm-hmm. Si le jeune a pu investir toutes ces choses-là pour chercher ces documents-là, les établir, les écrire... c'est qu'il est à la hauteur de quelque chose. Mm-hmm. Je crois qu'il doit être fait, on doit lui faire confiance. Mm-hmm. Et le gouvernement, vous alliez dire que... Le gouvernement, à travers le ministère de la Jeunesse, mm-hmm. il devrait mettre en place un fonds. Mm-hmm. Les jeunes qui sont là, qui sont capables d'écrire des projets, mm-hmm. rédiger des projets qui vont dans le cadre, dans le contexte du pays du Burundi, mm-hmm. bien rédigés, ils doivent être soutenus par le gouvernement du Burundi. Ils doivent mm-hmm. être donnés des moyens. Et puis, il doit y avoir des services au sein de ce ministère-là, juste pour faire un suivi. Mm-hmm. Pour des associations qui sont en train de commencer les activités, mm-hmm. juste un suivi, voir s'ils sont à la hauteur de geler des fonds, on commence à leur donner de petits crédits ou micro-projets, mm-hmm. de fonds juste pour le micro-projet. Mm-hmm. Quand ils gèrent bien... ils parviennent à donner des rapports narratifs financiers qui sont mm-hmm. bien rédigés, mm-hmm. on leur donne d'autres mm-hmm. juste sur le bas d'horaire de prestations. Mm-hmm. Oui. Gildas vient de le dire, il y a la part du jeune qui doit s'investir, il y a également le gouvernement qui doit le soutenir moyennant un peu d'argent pour commencer. Et vous, Égide, qu'est-ce qui devrait être fait pour lever les contraintes qui peuvent barrer la route aux jeunes? Merci beaucoup. Moi, je vais insister sur ce qui doit être fait par les jeunes, car il est difficile de demander au gouvernement de présenter tel autre avantage aux jeunes lorsque ces derniers ne se montrent pas exigeants. Cela signifie que tout doit être fait par la jeunesse, ou le gros du travail doit être fait par la jeunesse. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, tous les jeunes ont les mêmes problèmes. Ça, c'est moi qui le dis. Les jeunes de différents partis politiques, de différentes organisations, ils ont les mêmes problèmes. Ce qui fait qu'ils ont les mêmes intérêts. Pour moi, j'en déduis quoi ? J'en déduis que ces jeunes doivent se constituer en une sorte de fédération pour qu'ils peuvent parler dans le même langage, faire les mêmes revendications. Dans ce cas, leurs revendications pourraient être entendues par les autorités, et je pense qu'ils pourraient s'en sortir gagnants haut la main. Mais s'ils continuent à revendiquer, à faire des revendications, étant divisés, ne comprenant pas l'importance de se constituer en une sorte de fédération, dans ce cas-là, il sera difficile, ils seront toujours manipulés. Donc, il faut qu'ils parlent dans le même langage, il faut qu'ils se mettent ensemble. Dans ce cas-là, il sera faisable que leurs revendications soient entendues. Quand vous parlez de fédération, il y a quelques années, on continue à voir qu'il y a l'émergence de beaucoup d'associations. Est-ce que ces associations ne peuvent pas être considérées comme des cadres d'expression de ces jeunes ? Certes, ces dernières années, même actuellement, on voit des organisations qui pullulent, qui sont nombreuses, qui sont créées, mais sont des organisations, vu la manière dont elles sont créées, qui ne peuvent pas vraiment constituer un front fort de la jeunesse qui pourra faire aboutir les revendications des jeunes. Si ma mémoire est bonne, la jeunesse constitue donc la population burundaise est constituée par des jeunes de moins de 25 ans à raison de 65%. Ça, c'est moi qui le dis, mais à condition que ma mémoire soit toujours bonne. Mais je pense que tel que les jeunes sont constitués dans des organisations, il est vraiment difficile. Mais si ils comprennent qu'ils ont les mêmes problèmes, donc pour se faire les mêmes intérêts, ils pourront parler dans le même langage, ils pourront se montrer exigeants envers les responsables des partis politiques dont ils sont membres, envers les responsables des organisations dont ils sont membres. Et dans ce cas, leurs intérêts pourraient être mis sur le plateau, discutés même dans les hautes institutions du pays, en l'occurrence l'Assemblée nationale, et il pourrait s'en sortir gagnant, quant à moi. Mais s'il reste laminé, ils seront toujours mis sur le banc de la société, car il est difficile de comprendre que jusqu'à maintenant, les jeunes n'aient pas une place qui est prévue par, disons, la Constitution, alors qu'ils constituent une grande partie, majoritaire même, de la société burundaise. Et comment faire comprendre que ces jeunes doivent se mettre dans une fédération pour défendre les mêmes intérêts, les mêmes objectifs ? Comment les éveiller à cela ? Il suffit qu'ils aient la conscience. La conscience qui les explique que ces jeunes ont les mêmes problèmes. Si vraiment ils parviennent à comprendre qu'ils ont les mêmes problèmes, et pour se faire qu'ils aient les mêmes intérêts, dans ce cas-là, ils pourraient penser à différentes actions qu'ils pourraient mener pour pouvoir porter plus loin leurs revendications. Mais si ils restent toujours divisés, ils seront toujours manipulés, et ce sont les adultes nos parents qui tiendront toujours le gros du gâteau. Mmh. Donc, on comprend par la réflexion de d'Égide Nikiza que les jeunes doivent se mettre en fédération pour essayer de lever les problèmes qu'ils rencontrent. Et par après, ils pourront être soutenus par les idées qui ont été dégagées par Gildas, entre autres que le gouvernement devrait mettre en place un fonds qui viendrait soutenir les projets qui sont élaborés par les jeunes. Je dis merci à Gildas Kwizera, qui est président et représentant légal de l'Association Initiative pour la promotion et le développement économique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci également à Égide Nikiza, qui a fait la sociologie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. La mise en onde était assurée par François Kimane. L'animation, vous étiez avec Ali Dandaïkeza. Merci de nous avoir suivis.